Je suis pas heureux, c'est évident. Et de le savoir, ça me rend triste. J'attends depuis bien trop longtemps que le bonheur vienne à l'improviste. Les gens heureux, comment ils font? Si le bonheur vient pas par hasard. Mais oui, bien sûr, je suis trop con. Ils ont dû l'acheter quelque part. J'aurais dû y penser plus tôt. Tant pis pour les années gâchées. Aujourd'hui, je repars à zéro. Et en route pour l'hypermarché. C'est un endroit super. Pourquoi je suis jamais venu avant? Vous expliquer, ce serait galère. Et y'a mon bonheur qui m'attend. Je fais comme les autres, je prends un chariot. Vu le prix, ce serait con de se priver. Et le bonheur si j'en prends trop. C'est peut-être pas facile à porter. Y'a marqué partout que c'est moins cher. Profitez vite des réductions. Je ferais vraiment une belle affaire si le bonheur est en promotion. Mais il est où le bonheur dans tout ça? Mais il est où le bonheur dans tout ça? Mais il est où le bonheur dans tout ça? Pardon, messieurs, dames, je cherche le bonheur. Vous savez pas où il est par hasard? Ouais, bah attendez, partez pas! Hé! Hey oh! Tous les gens à qui j'ai demandé, ils m'ont pas aidé du tout. Je dirais même qu'ils m'ont esquivé. Comme s'ils me prenaient pour un fou. J'ai bien compris leur petit jeu à me faire croire que je débloque. C'est qu'ils veulent tout garder pour eux. Des fois qu'il y en aurait plus en stock. Allez, salaud! Je tombe enfin sur un employé. Je sais pas pourquoi, mais il rigole, il me dit le bonheur, c'est pas compliqué. Allez voir au rayon alcool. Ah, merci, mon brave. Mais il est où le bonheur dans tout ça? Mais il est où? Bonheur dans tout ça. Planté devant toutes ces bouteilles, je me dis qui s'est foutu de ma gueule. Franchement, si tout le monde fait pareil, je vais pas y arriver tout seul. Je vais voir le seul mec dans le secteur en espérant qu'il me réponde. Je lui dis pardon monsieur, je cherche le bonheur. Lui il me répond: t'es comme tout le monde. Putain, mais c'est que t'as l'air sérieux. Tu devrais pas croire toutes ces conneries. Je vais peut-être te décevoir, mon vieux. Ah bon? Quoi? Mais le bonheur n'est pas ici. Oh non! Oh non! Oh non! Mais il est où le bonheur s'il est pas là? Mais il est où le bonheur s'il est pas là? Il est où le bonheur s'il est pas là? Nous vous informons notre aimable clientèle que le magasin fermera ses portes dans quelques minutes. Nous vous invitons à passer à la caisse. L'autre est toujours en train de causer, à me dire que les gens sont des moutons et que les supermarchés, c'est rien que des pièges à cons. font tout pour te faire venir à grands coups de publicité. Ils te laisseront pas repartir. Oh non, non, non. Sans ta carte de fidélité. Et alors si ça craint autant, je lui demande ce qu'il vient y faire, il me répond. Moi c'est différent. Je viens parce que le pinard coûte pas cher. Et si c'est ça la fin de l'histoire, eh ben c'est nul. Oui, c'est nul. Bah ouais, désolé Jean-Louis, mais bon, on s'en fout, on la mettra jamais sur un disque.